بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui l'explication du livre d'Aqidat al-Tawhid, l'explication du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et aujourd'hui, on est arrivé au cours numéro 88. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre qui s'intitule « Babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce titre? C'est-à-dire celui qui cherche la bénédiction ou qui essaie de prendre ou de trouver de la bénédiction dans un arbre, ou dans une roche, ou une pierre, ou des choses de ce genre. Et on va lire donc les versets, ou le verset et les hadiths qui sont rapportés dans ce chapitre, Inch'Allah. Donc, premièrement, le Cheikh, il a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid. Il cite ici les versets de 19 à 23. Dans Surat al-Najm, il dit: Wa qawlullahi ta'ala afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra alakumudh dhakar wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie, que vous semble, hein, que vous en semble des divinités, des fausses divinités, Al-Lat, Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Serait-ce à vous, le garçon, et à lui, la fille? Serait-ce à vous, le garçon, et à lui, la fille? Que voilà donc un partage injuste? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que de la conjecture et des passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Donc ça, c'est les versets que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionnés dans ce chapitre. Et ensuite, il cite également un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, hein, et dans lequel il dit, ou bien le hadith suivant, c'est rapporté selon Abi Waqid الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Donc ici le cheikh il a mentionné ce hadith, et c'est un hadith rapporté selon Abu Waqid al-Laythi. Il dit radiyallahu anhu, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers la bataille de Hunayn, la bataille de Hunayn qui s'est passée après la conquête de la Mecque. Et il dit, nous étions nouveaux dans l'islam, on venait juste de se convertir et de quitter le kofr. Et étant donné qu'il venait juste de quitter le kofr, il connaissait pas encore comme il faut certaines règles ou certains principes. Et donc, ils ont vu que les mouchriquins avaient l'habitude de prendre un arbre et dans cet arbre, ils accrochaient leurs épées, leurs armes, en pensant que yani, cet arbre avait un pouvoir spécial et que l'arbre en question était capable de faire en sorte que leurs armes soient plus puissantes. Et ils appelaient cet arbre That Anwat. Alors, ces gens-là qui étaient nouveaux dans l'islam et qui venaient de quitter le kufr, ils sont passés près d'un arbre, un autre arbre, et ils ont dit, ô messager d'Allah, peux-tu nous désigner cet arbre pour que ce soit un That Anwat pour nous, comme eux ont un That Anwat, les mouchriquins, les mouchriquins, ils ont un arbre That Anwat où ils accrochent leurs épées. Est-ce que tu peux nous désigner cet arbre-là pour que ce soit pour nous, pour qu'on accroche nos épées dessus ou nos armes dessus? Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allahu Akbar, innaha sunan. En voulant dire, Allahu Akbar, yani c'est les choses qui se répètent, les mêmes exemples qui se répètent. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez dit, et là il s'adresse à eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à eux, il dit, vous avez dit la même chose que les fils d'Israël avaient dit à Moussa lorsqu'ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur désigner une divinité semblable à la divinité des mushrikin, une statue parmi les statues ou quelque chose de ce genre. Et il a répondu en disant, vous êtes certes un peuple qui tombait dans l'ignorance ou qui est dans l'ignorance. Et ensuite, il a mentionné, il a dit, vous allez suivre l'exemple des peuples qui vous ont précédés. Tout ça pour dire, yani, que, yani, subhanallah, beaucoup d'entre les musulmans, parfois, eh bien, ils peuvent eux aussi tomber dans ce genre d'égarement. Comme les peuples d'Israël. Eux, les peuples d'Israël sont tombés dans beaucoup d'égarements, et même que parfois ils sont tombés dans le shirk, comme l'adoration du veau d'or et des choses de ce genre. Donc, il n'y a rien qui empêche que parmi la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y ait des gens dans leur ignorance qui tombent dans certains égarements et même dans des formes de shirk. Nasallallahu al-afiyah. C'est pour ça que c'est important d'étudier justement le tawhid à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique le chapitre. Il dit, قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابٌ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا يَعْنِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَ الْمُؤَلِّفُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اكْتَفَى رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا يُفِيدُهُ الْحَدِيثُ وَالْآيَةُ الَّتِي سَاقَهَا يؤخذ من الآية والحديث أن ذلك شرك لا ولكنه من عادته رحمه الله أن الحكم إذا كان منصوصا عليه فإنه يذكره في الترجمة وإذا لم يكن منصوصا عليه وإنما يفهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا يذكره في الترجمة بل يتركه للنصوص وما يفهم منها وهذا من عظيم حرصه رحمه الله ومن تحفظه من الجزم في الأحكام إلا بنص صريح والفرق بين هذا الكتاب أو بين هذا الباب وما قبله أن ما قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أي في استعمال هذه الأشياء في دفع الضر أما هذا الباب فإنه لأجل جلب الخير والبركة فالباب الذي قبله دفع الضرر وهذا الباب لجلب الخير والنفع وأن ذلك كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع ويضر، وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمره سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, le chapitre qu'on explique maintenant, c'est le chapitre au sujet du fait de chercher la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou des choses semblables, et c'est-à-dire, yani, celui qui fait ça, il a commis du shirk. Il a commis du shirk, et il explique que, yani, le Cheikh, il l'a mentionné que dans le titre, il a dit seulement celui qui cherche la bénédiction des arbres et des pierres, et des choses semblables. Il n'a pas mentionné le jugement qui en découle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait ça? Il n'a pas mentionné est-ce que c'est du shirk, est-ce que c'est du kofr, est-ce que c'est un péché ou quoi que ce soit. Il n'a pas spécifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste cité le verset et les hadiths. Donc le cheikh, il dit, pourquoi il s'est limité au hadith? Parce que dans le hadith et dans le verset, il y a le jugement qui est mentionné. Et on peut comprendre de ce verset et de ce hadith que celui qui fait ce genre de choses, il a commis du shirk. Il a fait du shirk. Et il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça c'est son habitude. Il dit, lorsque le jugement est mentionné textuellement, alors il le mentionne dans le texte, dans le titre du chapitre. Si le jugement est mentionné dans le texte de façon claire et explicite, alors il le cite dans le titre du chapitre. Mais si ce n'est pas mentionné textuellement de façon claire dans le texte, alors si c'est quelque chose qu'on peut déduire ou quelque chose qu'on peut comprendre à partir des preuves qui sont mentionnées, alors à ce moment-là, il ne le mentionne pas dans le titre du chapitre. Il ne mentionne pas le jugement dans le titre du chapitre. Pourquoi? Parce que le cheikh, il dit, il laisse la mention du jugement uniquement à ce qui est mentionné textuellement, et non pas ce qui peut être compris des textes. Hein? Pourquoi? Parce que ça veut dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait beaucoup d'efforts, hein, pour se limiter et se restreindre dans l'application des verdicts et des jugements uniquement à ce qui est mentionné de façon explicite et claire dans les textes. Tandis que si ce n'est pas mentionné textuellement, mais que c'est quelque chose qui est déduit ou compris des textes, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il ne mentionne pas le jugement, hein, il ne le mentionne pas dans le titre. Mais c'est sous-entendu quand même. C'est sous-entendu quand même par rapport à la compréhension qui découle de ces textes-là. Donc, le cheikh, il explique, c'est quoi la différence entre le chapitre qu'on étudie maintenant et le chapitre précédent? Eh bien, le cheikh, il dit, dans le chapitre précédent, on a parlé du fait de porter des colliers ou des cordes ou des bracelets ou des anneaux ou des choses comme ça dans le but de repousser un mal ou de s'en protéger. Hein, d'enlever un mal ou de s'en protéger, de repousser le mal. Et donc, ici, ça c'est le chapitre précédent. Le chapitre qu'on fait actuellement, c'est le contraire. C'est comment faire venir un bien, comment amener un bien. Hein? Et donc, ça veut dire, le chapitre précédent, c'était comment faire pour se protéger ou repousser un mal. Ce chapitre-là, on va traiter de ceux qui font des actes en pensant qu'ils peuvent faire venir un bien sur eux ou ramener un bien par l'intermédiaire des créatures ou par l'intermédiaire des idoles ou par l'intermédiaire de toutes sortes de différentes créatures qui n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes, mais de penser qu'elles détiennent une bénédiction particulière ou un pouvoir spécial. Bon, il y en a, comme tu dis, il y en a qui pensent que ça attire la chance ou que ça donne la chance, hein. ou bien, bon, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Et chaque chapitre va traiter d'un sujet qui est relié justement à une forme quelconque de shirk. Et ici, c'est cet exemple-là. Et le cheikh, il dit donc que de repousser le mal, hein, de repousser le mal, ça c'était le chapitre précédent. Maintenant, ce chapitre, c'est ceux qui croient qu'un objet ou une chose peut ramener un bien ou un bienfait. Et il dit tout ça, en réalité, ça revient à Allah. C'est-à-dire que c'est seulement Allah qui peut repousser le mal ou qui peut profiter une personne, tandis que les créatures n'ont aucun pouvoir de faire cela par eux-mêmes. C'est seulement par l'ordre d'Allah qu'ils sont capables de faire un bien ou de repousser un mal. Tandis que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a le pouvoir total et absolu sur tout ce qui se passe dans la création et qui peut profiter ou nuire. Et le cheikh, il explique encore maintenant, on va lire le charh de l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit « قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما » Donc, le chapitre sur celui qui fait « التبرك ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi « التبرك » Ça vient du mot « al-baraka ». « Al-baraka » qui veut dire la bénédiction en français. Hein? Et qui signifie en fait le fait d'augmenter le bien. Hein, le fait de chercher la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre. Cheikh Al-Fawzan, il dit قوله باب من تبرك التبرك معناه طلب البركة والبركة هي ثبوت الخير والنفع ودوامه ثبوت الخير والنفع ودوامه والتبرك إنما يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وبالقرآن الكريم لأن الله جعله مباركا وجعله شفاء وهو كلامه سبحانه وتعالى وكذلك بأسمائه وصفاته لأنها مباركة أي إذا قلت بسم الله فمعناه أتبرك باسم الله وأستعين باسم الله وهذا التبرك بالله وهذا التبرك بالله وبأسمائه وصفاته مشروع ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وجاء أيضا هذا في القرآن مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Donc ici le cheikh il explique la signification de من تبرك. Donc, le chapitre au sujet de celui qui cherche la bénédiction. La bénédiction, il dit, c'est quoi? C'est le fait que le bien qui est dans quelque chose reste constant et permanent. Hein, et que il soit bien, ce bien-là reste profitable. Donc, at-tabarruk, dans l'islam, dans qu'est-ce qui est légiféré, de quelle source est-ce qu'on peut l'obtenir, cette bénédiction-là? C'est-à-dire, quelles sont les sources légitimes et légales en islam dans lesquelles il est permis de la rechercher, cette bénédiction, et dans lesquelles il est mentionné qu'elle s'y trouve, cette bénédiction. Parce que, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que il y a des gens qui croient que la bénédiction existe dans certaines personnes ou dans certaines choses ou dans certains objets, sans qu'ils aient aucune preuve du Coran et de la Sunna pour le supporter. Et à ce moment-là, ils tombent dans du shirk et dans des bid'ah et dans des égarements dangereuses. Et donc, c'est pour ça que c'est important lorsqu'on prétend ou lorsqu'on dit que quelque chose est une source de baraka, qu'on ait une référence, une preuve du Coran et de la Sunna pour justifier que cette chose-là soit réellement une source de baraka, une source de bénédiction. Et parmi les choses qui ont été mentionnées ici par le cheikh, premièrement, qu'est-ce qui est béni et qu'est-ce qui est une source de bénédiction? Il y a les noms d'Allah, ainsi que ses attributs. Et également le Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a fait que cette parole-là soit bénie. hein? Et il en a fait également un remède. C'est pour ça qu'on se guérit avec, en faisant la ruqya. Et comme on l'a dit, c'est sa parole. Donc sa parole, c'est son attribut. Ça fait partie de ses attributs. De même que les autres, hein, tous les noms et les attributs d'Allah sont bénis. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit Bismillah, ça signifie je cherche là ou je demande la bénédiction en mentionnant le nom d'Allah. Hein, en mentionnant le nom d'Allah. Et je cherche l'aide en mentionnant le nom d'Allah. Je cherche l'aide d'Allah en mentionnant son nom. Hein? Donc ça, c'est une forme de tabarruk, hein, de recherche de la bénédiction, par le fait de mentionner Allah, et par Allah lui-même, parce que Allah, il est béni, ainsi que ses noms et ses attributs. Donc, de chercher cette bénédiction-là, de ces sources-là, ça c'est légiféré, hein, parce qu'il y a des preuves à ce sujet-là. Et c'est pour ça que dans le dua qu'on fait au début de la prière, hein, après le takbir, on fait dua al-istiftah et on dit wa tabarakasmuk. Tabarakasmuk, ça veut dire, hein, on peut obtenir la bénédiction en mentionnant ton nom. Hein. Et il dit ensuite, le cheikh également, et il est mentionné également dans le Coran, dans plusieurs versets, que Allah Azza wa Jal est une source de bénédiction. Il dit Tabarak alladhi nazzal al-Furqan. Hein? Le verset 1 dans Surat al-Furqan. Que soit béni celui qui a fait descendre le discernement, al-Furqan, le Coran. Et l'autre verset dans Surat al-Mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Que soit béni celui dans la main duquel est le royaume, hein, et il a le pouvoir sur toute chose. Il dit wa kadhalika at-tabarruk bin nabi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu sallallahu alayhi wa sallam kana mubarakan wa aqarra ashabuhu 'ala at-tabarruki bi riqihi wa bi sha'rihi wa bi 'araqihi. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسمه الشريف ولا يجوز التبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح ولا يتبرك بالصالحين ولا بالأولياء إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا يتبرك بالآثار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي استعملها أو الأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها فلا يتبرك بهذه الآثار لأن هذا من البدع ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته ولا أن يتبركوا بغار حراء ولا بغار ثور ولا الأمكنة التي نزل عليه الوحي فيها ولا بدار المولد إذا ثبت أنه ولد في هذا المكان فلا يتبرك بهذه الأشياء لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضلة وإنما يتعلق بهذه الآثار كما يسمونها الجهلة والمخرفين الجهلة والمخرفون الذين لا يهمهم الدليل وإنما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه أنفسهم فالتبرك بالآثار والأشجار كل ذلك محرم وشرك لأنه طلب للبركة من غير الله عز وجل. Donc le cheikh il explique, il dit de même que de chercher la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout ce qui fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tout ce qui a été qui a été détaché de son corps Il dit par exemple, parmi les exemples de ça, hein, la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bénie. Sa salive, elle est bénie. Ses cheveux, hein, c'est béni. Tout son corps est béni. Toute sa personne. Hein. Et il dit, et donc on peut chercher ou rechercher de la baraka de ça. Bien entendu, ça c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Hein. Pourquoi? Parce que ces choses-là étaient présentes quand il était vivant. Sa sueur, sa salive, on ne peut pas la trouver aujourd'hui. Hein? Et les sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, ils prenaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il faisait le wudu, il prenait la baraka de son wudu, hein? Sa salive, ses cheveux, sa sueur. Hein? Ça, c'est des choses que les sahaba, ils prenaient de la baraka de ça. Mais ça, c'est spécifique, premièrement, seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on pouvait faire ça. Personne d'autre parmi les musulmans. Pourquoi on spécifie ça? Parce que il y a des soufis parmi les gens de bid'a qui font ce genre de choses. Ils prennent ou ils cherchent de la bénédiction d'un cheikh ou d'un homme qu'ils pensent être parmi les pieux ou d'un cheikh parmi les chouyours soufis. Et j'en ai vu même dans certaines vidéos sur internet, certains ignorants, quand ils voient un cheikh qu'ils pensent être un wali ou je ne sais pas quoi, subhanallah, ils veulent le toucher à sa personne. Ils pensent qu'il y a une émanation de bénédiction divine qui sort de son corps ou je ne sais pas quoi. Allah al-musta'an. Et il y en a qui, j'en ai vu même, Allah al-musta'an, quand le cheikh était assis quelque part, lorsqu'il s'est levé, les gens venaient à l'endroit où il s'est assis pour se rouler dans la poussière à l'endroit où il était assis, ce cheikh, soi-disant cheikh. Allah al-musta'an. Donc tout ça, tu vois, les gens qui font ça, quand tu les vois dans la vidéo, tu vois clairement que ce sont des ignorants, des gens qui sont probablement, qui n'ont jamais probablement lu le Coran même de leur vie, ou ils l'ont récité peut-être, comme beaucoup de musulmans qui mémorisent le Coran par cœur, mais qui ne comprennent même pas une seule lettre de ce qu'ils récitent. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pas suffisant juste de le mémoriser, mais il faut le comprendre et le mettre en pratique. Parce que s'ils le comprenaient, eh bien ils ne le contrediraient pas. On espère qu'ils ne le contrediraient pas. Parce qu'il y a malheureusement des gens aveuglés par la passion, qui connaissent l'arabe et qui le lisent le Coran, mais qui font le contraire malgré tout, parce qu'ils suivent leur passion. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit également ensuite que donc tout ce qui avait été séparé du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses cheveux par exemple, ou des choses comme ça, c'est seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut faire cette bénédiction-là. Et on ne peut pas le faire avec quiconque d'autre, peu importe son degré de piété et de foi, ou qu'il soit parmi les awliya ou les saints, ou peu importe. Ça, c'est juste avec le prophète. Il y a un autre exemple aussi, je me rappelle, il y avait un frère qui était converti, et lui, il s'était converti au début avec les soufis de la tariqa Naqshbandiya. Et il était avec un groupe ici à Montréal parmi les égarés de cette secte, hein, et ces gens-là, parmi leurs croyances et leurs pratiques, il y a beaucoup de shirk et de bid'a. Alors, parmi les choses qu'il a vues lorsqu'il était avec eux, et il a témoigné de ça, il m'a dit, je me rappelle lorsque j'étais avec eux, et un jour on était en train de faire du ménage dans la cave, et on est tombé sur la canne du cheikh. Alors, j'ai vu ces gens-là commencer à prendre la canne et à caresser la canne et embrasser la canne et se frotter sur la canne. Alors, subhanallah, ce frère qui était converti, il était avec eux, mais il avait quand même un certain niveau de fitra qui lui permettait de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal dans ce genre de comportement et dans ce genre d'attitude. Alors, il est remonté en haut pour trouver quelqu'un d'autre à qui poser des questions. Et lorsqu'il est remonté en haut, il est monté, il a trouvé quelqu'un, une personne parmi les soufis de cette secte, et il a dit à cette personne, on était en bas et on a trouvé une canne qui appartenait, soi-disant, au cheikh. Et les gens se sont commencés à se battre pour avoir la canne et à se frotter le corps sur cette canne et embrasser la canne et tout ça. Et lui, il était bouleversé parce qu'il a vu ça. Lorsqu'il a dit ça à l'autre, il ne pouvait pas lui dire la vérité par rapport à ça, puisque probablement qu'il ne le savait pas lui non plus. Mais il a dit, tu ne me dis pas qu'ils ont trouvé la canne du cheikh? Il est parti en courant lui aussi en bas pour aller la chercher lui aussi. Alors là, il est resté comme ça, les bras tombés comme on dit, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que la personne allait le rassurer pour lui dire finalement non, ça c'est pas correct, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Au contraire, il est parti lui aussi pour participer à ça lui-même. Donc tout ça c'est pour dire, Yanni, ce genre de comportement, c'est des comportements que tu retrouves. Pourquoi? J'ai compris une chose par rapport aux soufis, c'est que j'ai l'impression qu'ils prennent leur chair comme si leur chair était légal ou comparable avec un prophète. Et donc, ils veulent appliquer l'exemple que les sahabas ont appliqué avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils veulent l'appliquer avec leur chair, pensant que leur chair est comparable ou semblable au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est grave. C'est grave de faire ça. Parce que tu tombes dans le rouleau, et tu tombes dans le shirk à cause de ces exemples-là. Et il faut faire attention aussi par rapport à ça quand on dit les choses qui sont détachées du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses cheveux par exemple ou ses poils. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont dans certains endroits, par exemple certains musées ou je ne sais pas quoi, des choses qu'ils ont gardées comme des cheveux, puis ils disent ça c'est les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est telle chose, ça c'est telle chose. Et il n'y a pas vraiment une preuve pour dire que c'est réellement ses cheveux à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être les cheveux de n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de choses-là. Il dit également, le cheikh, qu'on n'a pas le droit donc de chercher de bénédiction d'autre que de la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que les restants ou les reliques, ce qu'on appelle les reliques, qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de chercher la bénédiction de ces choses-là. Il dit min al-ashya allati istamalaha, comme par exemple les objets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisés, comme son verre, ou s'il avait une épée, ou s'il avait quelque chose, un vêtement qui lui appartenait, ou un endroit où il a marché, il a mis le pied à telle place, ou un endroit où il s'est assis, ou un endroit où il a prié. J'ai vu par exemple à Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Eh bien, il y a certaines personnes, là où il y a le mihrab, ou le mihrab, c'est-à-dire l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait pour diriger la prière. Bien entendu, le mihrab qui existe aujourd'hui, c'est pas cet endroit-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait pour faire la prière dans la mosquée, nécessairement. Mais c'est un endroit aujourd'hui, bien entendu, l'imam actuellement, il se tient en avant même de la mosquée où était réellement l'endroit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a eu des expansions. Mais même si on se tenait exactement au même endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait dans la prière, est-ce qu'il y a un mérite particulier de prier à cet endroit-là? Non, il n'y a pas de mérite particulier de prier à un endroit ou de marcher à un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, où il a prié. Pourtant, tu vois, pendant le Hajj ou pendant la Umrah, lorsque les gens vont à Médine, ils font la queue, les uns attendent un derrière l'autre pour pouvoir faire rak'atayn à cet endroit-là en particulier. Alors qu'il n'y a aucun mérite spécifique ou particulier pour prier à cet endroit-là. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'embouteillage, comme on dit, pour rien. Et non seulement ça, mais ils pensent que le minbar qui est là maintenant aujourd'hui, c'est le même minbar que celui du prophète sallam à son époque. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent comme ça pour toucher au minbar, en pensant que le minbar, il a une baraka. Ils touchent au mur, ils touchent à la grille. Et les gens font ça pourquoi? Parce que c'est des bid'as qu'ils ont hérités. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils obtiennent de la bénédiction. Alors que tout ça, ça n'existait même pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est des choses qui ont été ajoutées dans la mosquée des siècles après. Et même si c'était le même minbar que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, ou que celui qu'il utilisait, il n'y aurait pas de justification pour prendre une baraka de ce minbar en le touchant. Puisque les sahaba, ils n'ont jamais fait ça. Est-ce que les sahaba, quand ils allaient dans la mosquée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, ou après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient se rouler sur le minbar, ou allaient toucher les murs de la mosquée, ou caresser ces endroits-là pour prendre une bénédiction? Non. Est-ce qu'ils allaient se battre pour prendre le contenant ou le verre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bu, ou bien pour se battre pour avoir le bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour tenir? Non. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans ces choses-là en particulier. Et malheureusement, si tu vas dans les pays musulmans aujourd'hui, tu vois, non seulement les gens ils font ça, mais ils font ça par rapport aux tombes des soi-disant awliya, et même la terre de la tombe qui est par terre au bord de la tombe, s'il y a de la poussière sur la tombe, ils prennent ça, ils mettent ça dans une bouteille. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté une histoire aussi, que quand ils font le nettoyage de la maison de Aïcha radiallahu anha, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré à Médine, de temps en temps comme ça ils vont pour faire le nettoyage à l'intérieur, il y en a qui prenaient de la poussière qu'ils trouvaient à l'intérieur pour mettre ça dans des bouteilles, ils vendent ça après pour que les gens mettent ça avec de l'eau pour se laver avec. Ils pensent que il y a une bénédiction particulière. Et dans les pays musulmans, lorsqu'il y a une tombe d'un cheikh, ils pensent que c'est un wali. Et s'il y a à côté de cette tombe une source pas loin, ils disent que cette eau-là, elle est bénite par le cheikh, par la bénédiction du cheikh. Parce que le cheikh, c'est comme s'il a une émanation divine qui sort de son cadavre et qui émane cette énergie spirituelle spéciale, miraculeuse et magique. Si tu en prends, tu vas la mettre sur toi, tu vas guérir ou tu vas être béni. Tout ça, c'est des exemples de croyances de shirk et de bid'a, malheureusement, qui sont propagées dans beaucoup de pays. Les chrétiens, ils ont ça aussi. Oui, exactement. La plupart des églises qu'ils avaient construites au début, là, c'était des endroits où, par exemple, soit un saint avait été enterré et ils construisaient leurs églises dessus. Et ils pensaient que les reliques de ce saint-là avaient un pouvoir de les protéger ou de les guérir. Ils utilisaient ça, ils le portaient pour se protéger, pour se guérir de maladies. J'ai lu des histoires à propos des croisades. Quand ils sont partis, les chrétiens, pour aller en Palestine, eh bien, subhanallah, ils avaient amené avec eux une croix. Ils disaient « the true cross », la vraie croix. Ils croyaient que c'était un morceau, c'est-à-dire c'est une croix fabriquée avec un morceau de bois qu'ils disaient que c'était la vraie croix, soi-disant avec laquelle ils auraient crucifié Isa alayhi salam. Bien entendu, comme Allah dit dans le Coran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est ce qui leur a semblé. Well, it depends what you mean exactly. When you say a spiritual imam. I mean, what I think what you mean is because of some of the people, they following Sufism, Sufia, and these people, they think they have some, they believe they have reached certain levels of spirituality. Maybe they reached like they become wali or awliya, and they have certain powers, or they have some certain spiritual powers and things like that. Or even after they die, when they bury them, they build a monument over their graves, and people come there and they offer sacrifices to the grave, and they make tawaf around it, and maybe they touch it to try to get blessings from it. So this is what we're talking about. But the thing is that the issue of awliya, a lot of people, they mixed up the meaning of what is a wali, or who are the awliya. Meaning that some of them, they incorporated or they included into Islam a definition for this term or this word that has been copied from Christianity. So they confused or they mixed the Islamic definition of what a wali is with the conception of what the Christians believe someone to be a saint, for example. But in Islam, the fact that someone is a wali means only that he's a believer in Allah, and he protects himself from Allah's punishment by doing good deeds and staying away from what is haram. And this is the definition of a wali in Islam. But according to the Sufis, a wali has certain spiritual powers and a spiritual level which is above that. And they almost make him like a demigod or half god, and they give him like superpowers, like knowing the unseen and being able to control the rain, control the and things like that. And some of them, they become, because of that, they become like charlatans, and they become like they use sorcery and all kinds of other things. Well, this, if people believe these men to possess a specific blessing which is part of themselves that emanates from them, just by touching them you become blessed, and believing that they can procure you this blessing just by touching them, this becomes a shirk, yes. Because nothing is a source of blessing except if there is a proof from the Quran or the Sunnah to establish that it is in fact a source of blessing. If it is not mentioned in the text of the Quran or the Sunnah, then you cannot confirm that, So this is the principle. Wafika baraka akhi. Ouais, non, ça serait long si je devais traduire en trois langues ou en deux langues. Non, c'est parce que le frère Idriss, il comprend pas le français parfaitement. Donc, c'était une question très intéressante, d'ailleurs. En tout cas, pour terminer, c'est que le cheikh, il explique que il n'y a pas de bénédiction spéciale dans les endroits aussi où le prophète Sansam est allé. J'ai vu un endroit aussi à Mecca où des gens faisaient la queue pour faire rak'atayn. Et c'est un bâtiment... derrière la mosquée de Al-Haram, à une certaine distance, et je pense que c'est un endroit où, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait, un bureau ou quelque chose comme ça, les gens font la queue pour prier dans cet endroit-là. Et quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes dans cet endroit, pourquoi vous priez ici, c'est pas une mosquée. Et ils m'ont répondu en disant que c'était l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Alors je leur ai dit, vous pensez vraiment que cet endroit-là, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né? Et même si c'était le cas, est-ce que les sahaba ont fait la prière à cet endroit-là? Est-ce que les gens venaient prier à cet endroit-là? Non. La même chose pour Ghor Hira, Le cheikh il a mentionné des gens par exemple qui vont faire Al-Ghar, oui, Ghar Hira. Les gens ils vont dans la montagne, ils montent jusqu'en haut pour aller dans la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation. Et ils vont là-bas comme si c'était un lieu de pèlerinage. Alors qu'il n'y a aucun mérite d'aller à cet endroit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y est jamais retourné après avoir reçu la révélation, ni les sahaba après lui. Donc il n'y a aucune récompense et aucun bienfait d'y aller. Et même que parfois ça pouvait même être dangereux de grimper à cet endroit-là. À la kulli hal, le cheikh il dit il n'y a pas de baraka là-bas. Mais les gens ils vont là-bas, puis ils touchent les murs de la grotte. Hein? Là je pense maintenant que ça va être détruit cet endroit-là. Mais yani, tout ça c'est pour dire yani, qu'il n'y a pas d'endroit où il y a de bénédictions particulières et où il est justifié d'agir de cette façon par rapport aux endroits. Même que l'arbre sous lequel les sahabas ont fait la bay'a, al-aqaba, hein, la première bay'a, ou bien yani, à cet arbre-là où Allah il mentionne, yani, laqad radiyallahu anil ladhina, laqad radiyallahu anil الذين يبايعونك تحت الشجرة dans sourate Al-Fath. Je vais regarder. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Oui, c'est ça. Le verset 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Donc, cet arbre, Shajara, qui est mentionné après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que c'est Omar ibn al-Khattab, il a ordonné à ce que cet arbre-là soit coupé. Pour quelle raison? Pour pas que les ignorants, après, qu'ils viennent par exemple à chercher cet arbre pour prendre la baraka de cet arbre, ou bien pour l'adorer, parce que les gens, ils font du shirk avec n'importe quoi. Et donc, pour couper, hein, le mal, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a ordonné que cet arbre-là soit coupé. Donc, ça c'est un exemple. Pour dire qu'il n'y a pas de ce genre de reliques-là. Hein? Et en ce qui est des reliques, chez les chrétiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils en ont plein de choses comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, on allait à l'oratoire Saint-Joseph qui est en haut. Là-bas, j'allais avec ma mère et ma grand-mère. Et derrière, en haut, il y a une petite chapelle. Et ils vendent, il y a un petit magasin à l'intérieur, ils vendent des pendentifs, des croix, des toutes sortes de trucs comme ça, des chapelets. Hein? Et puis, subhanallah, je me rappelle, ils vendaient un genre de petit médaillon. À l'intérieur de ce médaillon, il y a un petit morceau de tissu bleu qui est collé. Et eux, ils disent, ça c'était un morceau du vêtement du frère André. OK? Qu'ils mettent à l'intérieur. Et ils disent, bon, le frère André, il faisait des miracles, si tu portes ça, ça va te protéger ou ça va te guérir ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais qu'est-ce qui est surprenant, c'est que comment, jusqu'à maintenant, ils ont encore des tissus du frère André, soi-disant, pour mettre dans ces pendentifs-là à chaque fois. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de tissus, hein, pour jusqu'à aujourd'hui qu'il fait continuer à faire des pendentifs. Donc, tout ça pour dire, il y a des musulmans qui ont ça. J'ai vu chez des musulmans, des gens comme ça, ils font ça avec, surtout chez les soufis, hein, chez les chiites, ils font ce genre de pratique. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y en a qui mettent la photo de leur cheikh dans leur maison. Il y en a qui portent la photo de leur cheikh dans leur portefeuille tout le temps. Il y en a même qui l'accrochent à leur cou, hein, la photo de leur cheikh. Il y en a qui la mettent dans leur voiture, la photo de leur cheikh. Oui, comme le Naqshbandi, quand j'avais vu, j'ai dit, mais comment ça, vous mettez des photos de votre cheikh partout? Et je l'ai vu dans son magasin, il avait des photos de son cheikh. Après, quand il m'a amené, il dit, je vais t'amener jusqu'au métro. Il m'a amené dans sa voiture. Et là, j'ai vu encore une photo de son cheikh dans la voiture. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, vous faites comme les chrétiens ou quoi? En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on continuera la semaine prochaine. Bi'idhnillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.